Viens au fond de la classe. Laisse les autres travailler devant là. On est pépère. Ouais, gros, t'as rien, ouais, gros, ouais, gros, ouais, gros, ouais, gros, ouais, gros, ouais, gros, ouais. 9-2. Le 9-4. Mais qui je suis, le type au pire style impeccable. Flow mystérieux et stylé, du type non réplicable. Le marginal, dit criminel, lyrical. Détrône en masse les vaginales MC. Dans les bacs, tout ça fond de cale. DRY dit le pur, sang j'ai pur. Nique sa mère, le rap c'est France en pour. Sans issu de la banlieue sud. Là où ça te bute, un mec ou sans micro. Et ça seulement par habitude. Magnitude 9,4 sur les ondes. Attitude adéquate, je veux mes plaques. Baise là-bas qui fait sa ronde. Tu n'abondes autant que la mort, plus à chaque saison. L'heure de l'homicide sonne toutes les heures. Le vite aveugle s'efface l'horizon. Mission, atteindre les signes du rap car la mort nous décime. Ancré dans le ciment, la joie hostile aux hommes entraîne le crime. Le dos en l'air, pour ses j'bèbes en bleu marine. Bouba un touche à tu bandes, mais t'en fous pas plein les narines. J'm'envoie au fond de la classe direct. Avec des mondes et RY. Dissipé, défoncé, peut mieux faire. Mieux faire. Mieux faire. Ouais, gros, ouais, gros, ouais, gros, ouais, gros, ouais, gros, ouais, gros. Pour toi c'est difficile, tu rap c'est inutile. Ça sent le parisien, on aime pas trop ton c'est style. C'est facile pour nous, tragique pour vous. Nous les flingues et les tasses, on aime les faire crier pour vous. Six pieds sous terre, je suis à la SICA. Le monde est stone, on dit les psychiatres. Il faut que j'en parle avec ma bouteille de Jack. J'suis au micro, c'est trop michto, ghetto c'est promis. Ordure, attaquant hors pair, attachant comme une drogue dure. Ma vie, mon rap, son frère, si à moi. Faut m'en mettre une dans la cervelle, si tu veux te la faire belle, crois-moi. Se pourrait-il que le crime soit dans nos gènes. Mais les rites te font pleurer, j'ai la rime lacrymogène. Trop facile pour B2O, prends celle-ci dans les gencives. On risque la préventive pour avoir le pif d'un joueur de Chelsea. Nos réalités sont leurs cauchemars. Ils veulent éduquer nos fils, applaudissent les colons dans leur poème. Flingue dans la bouche du prof, point levé à Jesse Owen. J'suis allergique au Schmidt, pas au pollen. Mon rap est froid comme un Ebola. Laisse-moi me défoncer au cognac, Genesis au Coca-Cola. J'suis au fond de la classe direct, avec des mondes et RY. Dissipé, défoncé, peut mieux faire. Mieux faire. Mieux faire. Ouais, gros. Toi c'est difficile, tu rap c'est inutile. Ça sent le parisien, on aime pas trop ton style. Qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux faire frère. Intouchable, les goûts bas, y'a rien à faire, y'a rien à faire frère. Comment t'exprimer ce qu'on ressent quand t'es jeune, tu dors dehors. Squatte les caves là où ça pue, ça sent symptôme d'une vie hardcore. Quand t'as faim, pas un joint aux yeux des gens. T'as rien, pour rien tu pourrais tuer. En fait tu deviens comme tous ces gens. Le gamin tu méprisais, en combattant des enculés. Tu peux devenir sans t'en rendre compte toi-même le pire des enculés. Ma vie, un film d'horreur, de drame, de guerre, de balle. Mon corps s'emballe, au cœur j'ai mal, trop pote à moi tomber sous les balles. Au final j'emporte les marques, mais dans les unes des autres c'est marque. Du ghetto j'en ai sa marque, c'est où son dépôt et la bague. Le béton de rime m'a endurci, gros m'a rendu plus féroce. Elle veut au sky, au speed, dans ma tête j'ai vu des scènes atroces. Pas grand chose, juste un mot, un regard, tu peux t'en prendre une. Dans le contrat y'a aucune cause qui dit qu'on filme pas pour des thunes. Le jour où je partirai, une part du ghetto s'en ira. Dis au marmot de la cité qu'un vrai démon, ouais, ne meurt pas. Intouchable.